Bismillahirrahmanirrahim. Le site de damouage.fr vous présente une série de cours de ta'bir, d'expression orale en langue arabe, tiré du livre de l'université de Riyad, niveau 1. Cours dispensé par Abu Taymiya Khalil al-Martiniki, wafaqahullah wa saddada. ونسأل الله أن ينفع بهذا العمل الإسلام والمسلمين. 27e leçon. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ما معنى غسل يغسل حاول يحاول استيقظ يستيقظ قضى يقضي قصيرة نشاط استعداد C'est se préparer, le mazdar de se préparer. Stade. Stade. Zakara, yuzakiru. Réviser. Thumma. Thani, l'awel, ajib al-asila, l'atia. Mata, tantahi, ad-dirasa. Tantahi, ad-dirasa, fissaniati. Asharata Zohra. Asharata Zohra. Fiken, Aïd. Fissati Saniati Asharata Zohra. La. Fissaniata Asharata. Kuna la adad murakab demon maftouh. Mansoub. Demon fatha. Thanian. Kifa tarji'u il sakan. Arji'u ilay bil hajra. Mata. مع من تركب الحافلة؟ مع الطلاب أركب مع الطلاب. متى يبدأ النشاط الرياضي؟ يبدأ في الساعة الرابعة مساء. في الساعة الرابعة مساء. نعم. ماذا نفعل في المساء؟ في المساء, نزور أصدقاءنا. سادسا متى تغسل ملابسك؟ أغسل ملابسي يوم الخميس في الصباح. أفضل تقول أغسلها. سابعا لماذا تذهب مبكرا إلى المسجد في يوم الجمعة؟ أذهب مبكرا لأقرأ شيئا من القرآن الكريم. طيب. ثانيا رتب الكلمات الآتية لتكون جملا مفيدة. الأولى المعد الذهاب قبل أفطر إلى. أفطر قبل الذهاب إلى المعهد. نعم أحسنت. ثانيا السكن صباحا أعود إلى الساعة الثانية في تقريبا. أعود إلى السكن في الساعة الثانية. طب. الصباح تقريبا أين هما؟ أيوه أعود إلى السكان في الساعة الثانية صباحا تقريبا. طيب. ثالثا العصر أستريح صلاة قبل. أستريح قبل صلاة العصر. رابعا صليت هل المغرب؟ هل صليت المغرب؟ نعم. خامسا الواجب بعد الظهر أكتب المنزلي. أكتب الواجب المنزلي بعد الظهر. نعم. سادسا أصدقائي أزور يوم الجمعة. أزور أصدقائي يوم الجمعة. دروسي في أذاكر المساء. أذاكر دروسي في المساء. نعم. ثم رابع صح؟ نعم. إن يقف الإمام في خطبة الجمعة. يقف نعم ثانيا هل يمكن أن نصلي صلاة الجمعة في المنزل لا يجوز إلا بالضرورة كالمرض لا حتى بالمرض لا تصلي الجمعة في البيت تصلي الظهر أما حينما هو يقول الجمعة يعني ركعتين يصلي أربع ركع نعم لا تقول يا يمكن لا يمكن إلا إذا كنت كنت بجماعة في un groupe peut-être et là je précise que tu es sur tout seul quoi. Là, il y a juste de pas prier Jumu'ah. Et ouais, si tu es malade, tu es pas tout seul, tu peux pas Jumu'ah, tu peux voir. Ouais, il a pour une maladie. Ah ouais, mais de ta réponse, on comprend pas qu'en fait, chez toi, c'est pas le Jumu'ah. Anthony, c'est pas wadih dans ta réponse que même si tu es malade, tu fais pas du Jumu'ah chez toi, tu fais Dhuhr. نعم. لماذا نلبس الملابس النظيفة ونتطيب لصلاة الجمعة؟ لأن هذه الأفعال هي من السنة النبي صلى الله عليه وسلم. من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. رابعا ما الموضوع الذي تحدث عنه الإمام في الخطبة يوم الجمعة الماضي؟ نسيت الموضوع. الحوار الوطني. الوطني تتسال لدى الخطبة يعني الديسكور سيتويان والسيتويانتي و يعني لا باتري يعني c'est tout باطل en fait le chien a expliqué que c'était un discours باطل qu'en fait tout le monde vient tous les groupes de chacun ils disent qu'il a dit toi t'es au milieu et t'attends ton tour en fait tu vois ça y a pas ça n'existe pas ça خامسا من أين تشتري الطيب؟ أشتري من الدكان المناسب. سادسا وصلت إلى المسجد بعد انتهاء صلاة الجمعة ماذا تفعل؟ أول شيء الذي نفعل التوبة لأن هذا الفعل من الكبائر. وفي الثاني نصلي أربعة ركعات كصلاة الظهر ما يعني نصلي ظهرا نصلي الظهر أيوة هو الظهر نصلي الظهر نصلي الظهر طيب أنا بس اسمع كلمة أخرى حزما يحزم حزما سيران أراك تحزم حقائبك نعم سيران لأفضل بس تبكريب سيام الجن حدث يحدث parler نعم raconter ou rapporter quelque chose aussi سبق يسبق devancer صوم يصوم jeûner الحرام c'est le monsieur الحرام sacré السحور السحور c'est le repas du matin Ah non, c'est le temps. Sahur, c'est le temps. Non, t'as raison. C'est le repas. Et Sahur, c'est le temps. Non, c'est ça que je dis. Ah, Sahur, c'est le repas. Non, j'avais pas remarqué. J'ai pas remarqué. T'as qui Sahur, c'est le repas. C'est le temps et Sahur, c'est le repas. Sahur, c'est le repas. Nahar. La journée. Fikra. Une idée. Ijaza. Permission. Là, c'est les vacances. Intavaro, intaviro. Attendre. Misl. Comme. Fatatun. Jeune fille. Rasail. Rasail. Jeune de salle. Shahr. Moi. Ma معنى len. Len. C'est harf. Nisibu. On a un mustaqbal, nafi mustaqbal. Non, harf, naf ou nafi ou mustaqbal. On a trouvé ma charofi, et t'as dit, Kassalif. Raina, on a l'en, il est d'accord avec le fir, nasaba. Il y a le fir mansoub, ou alamat nas, al-asliya, al-fatha. Vous voyez, le signe d'origine du nom, c'est la fatha. Et les verbes, yadhabuna, tadhabuna, yadhabani, tadhabani, tadhabina. Comment ils sont en soupe? Yadhabani. Tadhabuna. Bihassanun. Bihassanun, naam, on enlève le nom. C'est ça qu'on va voir maintenant. Il y a qu'on fait à l'effet, c'est à mi ou raddid. Elle. سيقفل العالمان العاملان التو البوابة. Est-ce que les deux employés vont fermer les portes, le portail? Là, لن يقفل البوابة. Donc là, on a vu لن يقفل. Normalement, c'était يقفلاني. طيب الألف يعني qui العاملان. Comme là, les منصوب on enlève le nom. Comme avec un, les prix avec un. Là, c'est la même chose. C'est le même signe. ثانيا هل سيؤكد المسافران الحجز؟ Est-ce que les voyageurs vont confirmer la réservation? لا لن يؤكد الحجز. ثالثا هل ستتجه الفتاتان الى الصاله؟ Est-ce que les deux jeunes filles vont se diriger vers le salon? لا لن تتجه الى الصاله. رابعا هل ستمكن أو سيتمكن المدرسون من السفر نهارا؟ Est-ce que les enseignants vont entreprendre le voyage de journée؟ لا لن يتمكنوا من السفر نهارا. On dit aussi si vous pouvez dire pouvoir, est-ce qu'ils pourront aussi؟ طيب est-ce qu'ils pourront aussi؟ خامسا هل سيغادر المسافرون الطائرة؟ Est-ce que les voyageurs vont laisser l'avion? Là, on va dire sortir de l'avion, laisser l'avion, quitter l'avion, redescendre de l'avion. Là, لن يغادر الطائرة. Donc là, comme ça revient à هم et ça مسافرون, on enlève le nom. لن يغادر. Et après, au jamaat, l'alif qui vient. وهذه الألف تسمى بألف الفراق. Elle vient pourquoi? Pour différencier entre un fir qui finit par waw jamaa et un fir qui finit par waw d'origine. Donc tu peux différencier entre les deux. Par exemple, Raja et Arjou. Tu vois? Il finit par waw. Et celui qui ne sait pas, c'est pas qui se dit, je ne sais pas si c'est un waw jamaa ou c'est le waw, yani la même fir, c'est la lettre du verbe. Donc là, ce alif te permet de voir. De comprendre qu'il s'agit là d'un waw jama'a. Donc là, si vous voyez un waw avec un alif derrière, c'est waw jama'a. Et le nun est enlevé, ça veut dire. Et bien, alamat al-raf, huzifat. Salisan, hal sayuqabil al-muwazzafuna al-za'ir. Et tu trouves, c'est pas seulement dans le. Tu trouves aussi dans le mardi, c'est un zahabou. Non, non. Et bien, là, c'est pas alamat al-nas, ni alamat al-raf, huzifat. C'est comme ça qu'il s'écrit aussi. C'est pas propre juste au harf al-nun. Hal sayuqabil al-muwazzafuna al-za'ir. Est-ce que les employés vont recevoir, vont rencontrer le visiteur? La, lan yuqabilu al-za'ir. طيب رابعا عجيب كما في النموذج سلام شودرا على تطبيق الان هل ستهبط الطائران في المطار لا لن تهبط الطائره ولا تهبط الطائرتين نعم في المطار لا لن تهبط في المطار دونك est-ce que les deux avions vont atterrir à l'aéroport non ils n'atterriront pas à l'aéroport شوف الاولى اقرا ترجم وتطبيق هل سيفهم الدارسون الكتاب est-ce que les étudiants comprennent le kitab le livre vont comprendre le livre la lan yafhamu al kitab non je peux mettre où aussi lan yafhamuhu Fanyan. هل ستأخذ العاملتان الأجرة؟ لا لن تأخذ. ترجمة أولا. أولا. Est-ce que les deux travailleurs عاملتان؟ مؤنث. أيوة. Les deux femmes qui travaillent vont prendre leur salaire, le salaire. نعم. لا لن لن لن تأخذها. نعم لن تأخذها. لن تأخذها. هل يفطر الصائم؟ سيفطر. هل سيفطر الصائمون قبل الغروب؟ alors est-ce que les jeûneurs vont prendre leur repas avant le coucher du soleil, le coucher? Le repas de rupture, précise. Oui, le repas de rupture. La lan yuftiru, lan yuftiru qabla al-ghurub. Hal sayajma'u al-biqalani al-bida'a. La lan yajma'u, lan yajma'a. Lan yajma'a. نعم بضاعة المارشانديز هل سيغادر المسافران الصالح est-ce que les deux voyageurs vont quitter le salon là c'est voilà ça c'est plutôt la salle de ouais, la salle du d'embarquement sûrement la lan yugadira هل سيرسل العمال الرسائل؟ لا لن يرسلوا الرسائل. هل سيحمل العائدون بطاقات المغادرة؟ العائدون ceux qui retournent. Est-ce que les revenants vont rapporter leur carte de sortie de départ. Leur carte de départ. Mm-hmm. La lan yahmilu. Hal sayal'abu al-waladani fil hadiqa. Est-ce que les deux enfants vont jouer dans le jardin? La lan yal'aba. في الحديقة. فيها نعم. هل ستطبخ الفتاتان الطعام؟ est-ce que les deux jeunes filles vont cuisiner le repas؟ لا لن تطبخ. نعم. طيب. خامسا سيل كل كلمات من كلمات المجموعة ألف بالمراد فيها من كلمات المجموعة ب كما في النموذج donc il faut que tu joignes entre les mots de la colonne ألف avec celle de la colonne B dans les synonymes يحزمو Herbuto. Nam. Parce que Rabata, c'est attaché. Rabata, mais je... يحدث يكلم نعم بلغ والصلاة فكرة رأي نعم رأي كيف جابي قضى قضى أكمل الصبح الفجر نعم ثالثا نستخدم كل كلمات من كلمات الآتية في جملة مفيدة. Donc, employez les mots suivants dans des phrases qui ont un sens. Fata, waffaqaka Allah, mithl, waladun. Wahada, c'est le coin de filbeit. Sma sabiyan yakul ikra al-ayat il-taliya, sma ktubha, il-kura satik. Al-ula, ya yu al-lazina amanu, kutiba alikum al-siyam, kama kutiba ala al-lazina min qablikum, la'allakum tattakun. Oh, donc le sens rapproché, oh, vous qui avez cru, vous étiez prescrit le jeûne comme il était prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous teniez la piété. Faniyan, shahru ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Donc le mois du ramadan, celui dans lequel est descendu le Coran comme guidé pour les gens. Thalithan, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad lil-khayt al-aswad min al-fajr. Donc, mangez et buvez jusqu'à ce que vous apparaisse la ligne blanche de la ligne noire du Fajr. Et la chose Ikra, la kalimat jadida, shurb, adamazar de shariba, le shurb. C'est le mazdar. Toulour, ala, mazdar min tala'a yatla'oum, la montée. Jour, Adamazal Njaa Yajuru, la fin. Saïdun, heureux, gai. Aham, Ismu Tafdil, qui veut dire plus important. Primordial, plus important. Ahammu. Al-Islamu, Ma'alouf. Intiha, c'est le mazal de. انتهى ينتهي الناس معلوف لجو ركن جمع أركان بيلي نعم فريضة une obligation فرح يفرح être content te réjouir. القيام لا يفيس بارا القيام كم قيام الليل قيام تراويح هي تصعد de nuit. الغفران c'est le pardon معنى مغفرة. C'est le مصدر de غفرة يغفر. منع يمنع empêcher interdire aussi. Marsia, une désobéissance. Eid al-Fitr, ma'louf. C'est l'Eid qui a à la barre de char à Ramadan. Tazawara et Tazawaru, c'est échanger des visites. C'est échanger des visites. Si tu dis Foulen, Zara Foulen, c'est un tel à visiter un tel. Ou des qui a tazawaru bainahum, ils sont visités entre eux. Se visiter quoi. Naam. As-sawm ma'na siyam. Farha c'est une joie. Layla c'est une nuit. Laylat al-qadr, la nuit du destin ou la nuit de la grandeur. Le Qadr, ça peut être aussi le Marna Ta'zim. Alf, mille. Sabr, patience, endurance. Akl, manger. Dans le sens c'est pas le verbe, quoi, c'est manzal. Imtida, c'est se retenir, s'empêcher, soi-même. C'est un masdar de imtana yamtani'u. Imtana yamtani'u. Parce que mana s'empêcher à quelqu'un, imtana s'empêcher à soi-même. Robba, c'est hafja, qui veut dire qalil, peu. Robba. Nam. De là, souvent les gens disent robbama, c'est-à-dire peut-être. Ça vient du mot robba, puisqu'on a ajouté un ma, mal kaf. À la base, robba tout seul, ça veut dire peu. Et c'est un harf jar. Naam. Si tu dis robba, rajoulin, djaani, vous voyez, peu d'hommes sont venus, ma salam. Et ils rentrent dans les mots nakira. Et moufrad aussi, je crois. C'est-à-dire, lorsque tu es en moufrad, toi, quand tu traduis, ça va venir en jam. Il ne change pas ou pas. C'est harf. Harf jam. Non. Tu as dit la kara. Yakul. Es-somu roknun min arkan al-islam. Donc, le jeûne est un pilier parmi les piliers de l'islam. Wa wa faridatun ala al-muslimin. Et il est une obligation sur les musulmans. يفرحون به كثيرا لأنه شهر قيام وغفران. Donc ils s'en réjouissent énormément car il est un mois de yani quand ils prient, c'est le fait de se lever faire la salade de nuit, de tarawih et de غفران et de pardon. وفي رمضان ليلة القدر. Il y a la nuit des saints dans le mois de Ramadan. التي هي خير من ألف شهر. Celle qui est meilleure que mille mois. والصوم يعلم الإنسان الصبر. Et le jeûne enseigne à l'homme, inculque à l'homme la patience et l'endurance. لأن الصائم يمتنع فيه من عن الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. Car le jeûneur se retient des nourritures et des boissons depuis le lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. وأهم من الامتناع عن الطعام والشراب أن يمتنع الصائم عن المعصية. Et plus important encore que le fait qu'il s'interdise la nourriture et la boisson, qu'il se retienne de commettre des péchés, des désobéissances. Bien qu'à l'origine, en Ramadan ou la Ramadan, il ne faut pas le faire. C'est pas énormément. Mais c'est Ramadan ou Adam. Alors pendant Ramadan, c'est pire. Attends. Un martial là, pour une âme, la désobéissance à Allah. Quand le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Rubba sa'imin, les salahu min siyamihi il al jour. Donc la Rubba sa'imin, c'est certains jeûneurs, on pourrait dire, ou peu, ou je ne sais pas comment traduire, peu de jeûneurs, n'obtiennent de leur jeûne que la faim. Du fait qu'ils ont commis tellement de péchés, c'est-à-dire que leur siyam n'a pas été accepté. La seule chose qu'ils ont reçue, c'est le ta'ab, la fatigue, la faim. وَتَأْتِي بَعْدِ إِنْتِهَاءِ شَهْرِ صَوْمِ فَرْحَةٌ مُسْلِمِينَ بِعِيدِ الْفِطْرِ. Donc, et après la fin du mois, du jeûne, il y a une joie qui vient aux musulmans qui est عِيدِ الْفِطْرِ. فَفِيهِ يَلْبَسُ النَّاسُ الْمَلَابِسَ الْجَدِيدَةَ وَتَتَيَّبُونَ. Donc, lors de ce fihi, c'est-à-dire de ce Eid, les gens revêtent leurs vêtements neufs et se parfument. ثم يؤدون صلاة العيد. Ensuite, ils accomplissent la salat du Eid. ويتزاورون وينهئوا أيهئنوا وفن كل منهم الآخر بالعيد السعيد. Donc, ils se visitent les uns les autres. Et c'est quoi هنا؟ تقبل؟ ويهنئ كل منهم الآخر هنئ ولا يبقي يفلسيتي على كل من رسائل يناهن الطلاب يناهن الطلاب بالنجاح طبعاً طيب ويهنئ كل منهم الآخر بالعيد السعيد شكا فلسيت لوتر أبار إن عيد يعني أهو جويو. Vous طيب أولا أجيب الأسئلة الآتية. لماذا يفرح المسلمون بشهر رمضان؟ Pourquoi les musulmans sont-ils heureux du mois de Ramadan? Et ils donnent, parmi les choses qu'ils ont oubliées, c'est chez Ramadan, yukaffiru dhunub as-sanah al-madiyah. Ça, c'est parmi ces choses importantes. Et ça rentre dans le refrain, je pense. Yukaffiru dhunub. Ibn Ramadan, Ramadan, kaffaratu dhunub. Il est le kabaïr. Il est le kabaïr. Donc il exclut les péchés. ماذا نتعلم من الصيام؟ Qu'est-ce que on apprend du siyam? ثالثا متى يمتنع الصائم عن الأكل والشرب في رمضان؟ يعني à quel temps le jeûneur s'interdit de manger et de boire pendant Ramadan? ثانيا املي الفراغات في الجمل الآتية باختيار كلمات مناسبة مما يلي. Donc remplis les trous avec les mots suivants. Voyez dans ce qui suit. فرحة joie. الفطر ثمان عيد الفطر ألف مل ليلة القدر معروف أركان لبيلية درجة من ركن طلوع الفجر لفي دو لوب الصوم لجن الصبر لا باسيونس اونديرونس الجوع لا فام الجملة الأولى فرع فريضة على المسلمين دونك ان ترو اون اوبليغاسيون سور لي مسلمين ثانيا وصوم من فراغ الإسلام الخمسة. Le jeûne est parmi les un de l'islam, les cinq de l'islam. Thalithan, wa somu yu'allimu l'insanu fara. Et le jeûne enseigne à l'homme le trou. Rabi'an, wa somu yabda'u min fara il ghurub ash-shams. Donc le jeûne débute depuis trou jusqu'au coucher du soleil. Khamisan, qala sallallahu alayhi wa sallam, rubba sa'imin li salawm siyamihi illa fara. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que certains jeûneurs n'ont de leur jeûne que et le trou. Salisan fi Ramadan fara allati hiya khayrun min fara shahrin. Donc pendant Ramadan, voyez, il y a le trou, celle qui est meilleure que le trou mois. Sabian ba'd intihai shahr as-sawm takunu fara al-muslimin. Donc après la fin du mois de jeûne, ce sera le trou des musulmans. Bi'id, ah ouais, ça la suit. Et ça, c'est dans la même phrase aussi. Bi'id, l'id, après le trou. Il faut mouda filay. طيب ثالثا صدق المباشرة رتب الكلمات الآتية لتكون منها جملا مفيدة. Donc ordonne classe les mots afin de pouvoir composer des phrases qui ont sens. سعيد بنجاحي أنا. أنا الآن. نعم. أنا سعيد بنجاحي. نعم. Donc je suis heureux de ma réussite. ثانيا أركان الحج من الإسلام ركن. الحج أركان ركن من الأركان الإسلام. نعم الحج تنبليه من البيض الإسلام. ثالثا يتزاور في العيد الناس. الناس يتزاور الناس في العيد. نعم les gens se visitent durant l'Aïd. Rabi'an, Shahr al-Qiyam, Shahr al-Ramadan, ou le Ghufran. Shahr al-Ramadan, Shahr al-Qiyam, Shahr al-Qiyam, ou le Ghufran. Le mois de Ramadan est un mois de Qiyam et de pardon. Rabi'an, Istardim, Koul Kelimat, Koul Kelimat, Atiya, Fidjou Matin Moufida. Donc emploie les mots suivants dans des jumelles qui ont un sens. Imtina, aham, ma'asiya, farida. Allah sakun fil bayt. Inch'Allah. Wa khamisan, on ne va pas le faire parce que ce serait vraiment trop. Ça va peut-être des mauvais souvenirs. Kifat astakbil, yastakbilun muslimuna fi baladika, aïd al-fitr. comment les musulmans, voyez, anticipent ou reçoivent la Eid al-Fitr dans ton pays. Allah musta'an. Tu l'as pas encore vécu, toi. En tout cas, ça n'a rien à voir. Allah, l'Aïd ici, tu sais vraiment que l'Aïd. Mais en France, laisse tomber, mon frère. Ah, tu sais même pas que c'est l'Aïd. Si on te le dit pas, tu. Même pendant l'Abadan, hein, tu jeûnes. Ce que tu vois tous les jours, mon frère, ça te tue, quoi. Tu t'en rends pas compte. C'est, quand tu dis, tu vois l'Aïd, mon frère, les gens se préparent. Même avant, tout le monde est propre. La khutba, elle se fait bien. Mais dans Sunna. Bon, ces jours-ci, on a été bloqué à cause des rawafid, quand à l'Ahmoula. Sinon, machallah, alors on est dans le sol là dehors, et les haut-parleurs, les chiens sur la voiture, ou avec les horas qui surveillent, et la khutba, jamais ils disent, tu sens la chose, tu vois. C'est vivant. Tu vois que c'est une ibada, tu vois que c'est. Mais là-bas, il laisse tomber. Il y a chez qui l'imam qui fait une khutba, je ne sais même pas c'est qui. Qu'est-ce qu'il va te dire? Il y a le maire qui vient, il y a je ne sais pas qui vient, des gens qui n'ont rien à voir. Voilà. Ah, ici, par contre, il y a un problème, c'est les pétards. Les petits, là, ils font des pétards, ça, c'est casse-tête. Les chiens, là, pas de le dire. Maïjouz, maïjouz, maïjouz. Et là, ils ne comprennent pas. Ou certains qui ont la ronfle là aussi, ils ne comprennent pas. Ça, c'est dérangeant, ça, les pétards. Mais bon, c'est bien mieux que ce qu'on pourrait voir en France. Voilà. Mafoumada, donc ça, c'était l'avant d'année d'Ers. Donc, il y a Haq. La deuxième partie, wa ba'da hadha inshallah sana trouve fi kitab thalith min kutub al-Madina inshallah. Notre mudda ni qasira hatta tukmil al-amal thumma nadkhul fi inshallah. Fi sawal. On a qul alhamdulillah rabbil alamin.